Tu vois? Non, j'ai changé. Écoute la boîte arrive. Yo. Non, je fais rien du tout, c'est que c'est un preset de mon synthétiseur. C'est celui-là. All of us have to say, I'm a more than a spin down fire. moi je suis trompette, attends, ouais, c'est une trompette générale médicale. J'en ai plus jolie.